Johnny Bill, elle est là dans ce gros chapiteau. Elle est une passionnée, elle coupe plein de fringues avec ses lunettes sur son museau. Elle aime la mode, elle aime les gemmes, elle aime les spas, mais pas se salir. Elle porte des fossiles, mais ses yeux bleus me font pâlir. Rarity, tu ne me vois pas et j'ai vraiment l'air d'un pauvre con. Ai-je vraiment un espoir quand ton cœur est pris par un bébé dragon? Elle se surbooka pour toutes ses amies, pour le grand galloping gala. Elle dut faire 6 robes, en tout et pour tout, je me demande si elle réussira. Pièce par pièce, point par point, ton sur ton, trait par trait, elle se stresse, elle speed trop, j'aimerais l'aider mais... Tu ne me vois pas et j'ai vraiment l'air d'un pauvre con. Ai-je vraiment un espoir quand ton cœur est pris par un bébé dragon? Je suis là pour toi et je serai toujours là. Je ne suis pas un prince de Canterlot. J'aimerais t'aimer mais Rarity.